Philosophie. Dans l'écriture, l'essentiel, c'est l'humain. Certains disent que nous vivons dans un monde de fous qui brûle toutes nos énergies, dans un monde où l'on a peine à respirer le bonheur. D'autres disent que tout va bien aller, que tout cela va changer pour le mieux, qu'on finira bien par rendre l'utile agréable en trouvant la voie vers l'essentiel. Car entre avoir un bon emploi et y être bien, à faire son travail avec ses collègues, il faut choisir les trois. Un juste milieu entre nos raisons de travailler et celles qui nous donnent le cœur à l'ouvrage est la voie de la solidarité, de la coopération et de la synergie. Mais pour cela, il faut être bien dans sa peau, dans son cœur et dans sa tête. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir la tête dans le ciel pour voir venir l'avenir, les deux pieds sur terre pour incarner et réaliser nos rêves et le cœur à la bonne place pour avoir le courage de le faire. Pour y arriver, il faut faire le nécessaire, c'est-à-dire passer de l'urgence à la prévention, de la méfiance à la confiance, de la rigidité à la flexibilité et de la soumission à l'action. Rien n'arrivera à moins que les gestionnaires de haut niveau, gardant toujours le contact avec leur personnel, ne passent de l'intention à l'action. Car l'essentiel dont il est question ici, c'est la qualité de vie de chaque personne, condition nécessaire à la création d'un climat de travail agréable, favorable à des relations interpersonnelles valorisantes, fondées sur un principe simple. L'agréable doit toujours précéder l'utile. Selon le philosophe et écologiste Riccardo Petrella, depuis une vingtaine d'années, le travail humain, sous l'impératif de productivité maximale, a subi un nouveau processus de dépersonnalisation et de désocialisation. Il est devenu une ressource de l'entreprise, la ressource humaine. Le danger qui menace toutes les organisations qui pressent des citrons pressés déjà, c'est d'en arriver à considérer leurs ressources humaines, leur capital, comme un objet, comme une marchandise dont on attend la contribution la plus élevée au moindre coût. Il ne faut jamais oublier que la personne humaine est le sujet le plus important de tout milieu de travail. En fait, toute organisation n'est qu'une abstraction. Seules les personnes sont des réalités concrètes. Ce ne sont pas les organisations qui réussissent, mais les gens au cœur de ces organisations. L'économie des ressources humaines a comme fondement une écologie de l'esprit qui seule nous permet d'instaurer un nouvel humanisme. La crise de valeurs qui sévit sur cette planète nous amène à réfléchir sur les principes et les attitudes qui définiraient ce nouvel humanisme en milieu de travail. Est-ce la soif d'avoir qui tarit la soif d'évoluer vers l'essence de son être, vers un mieux-être et un mieux-vivre? Quel est le meilleur antidote au stress, ce mal du siècle qui provoque la perte de joie de vivre et contamine les milieux de travail, sinon le développement de la force intérieure qui donne un sens à la vie? Il n'y a de repos que pour celui qui cherche en son âme, qui apprend, qui veut savoir. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve motivation en ses valeurs les plus profondes et qui sans cesse recommence pour aller toujours plus loin, plus haut, vers la réalisation de l'essence de son être. Pour cela, il faut se connaître, se comprendre, car vouloir savoir être au pouvoir de soi est l'ultime avoir. Le développement actuel des forces productives au sein de la fonction publique constitue par son ampleur la richesse nationale des citoyens. Dans toute organisation, le gestionnaire est symboliquement l'arc, son personnel est la flèche, et l'un et l'autre ont pour cible la protection des droits du citoyen, l'amélioration de sa qualité de vie, de sa santé et de sa sécurité. Voilà les besoins essentiels qui ne peuvent être satisfaits que par les services fournis par une fonction publique constamment à la recherche de nouvelles solutions. Le développement des années à venir étant en grande partie conditionné par la disponibilité à court terme de sources d'énergie fiables, appelées ressources humaines, la réingénierie des ministères provoque des changements majeurs qui ébranlent la motivation et la performance des gestionnaires et des fonctionnaires soumis à de nouvelles pressions. Dans un contexte économique de coupures, de rationalisation et de réalignement des effectifs, l'indice de démotivation grimpe chez les personnes à tous les niveaux de la hiérarchie qui ont peine à gérer les émotions négatives causées par un tel stress. Les psychologues sonnent l'alerte rouge. La course à la performance et à l'excellence, la compétitivité, la surcharge de travail, les réductions du personnel, l'introduction de nouvelles technologies conjuguées à de piètres relations avec le patron et les collègues, ainsi qu'à un manque de circulation de l'information au sein des entreprises, l'urgence de faire plus avec moins, ont conduit à un cocktail explosif. Les jours d'absentéisme liés à des problèmes de santé mentale au Québec ont coûté, en 1999, 440 millions de dollars.